gros c'est dangereux. Tout le monde lève les bras, j'arrive dans le jeu. Ma pupille se dilate, ma voix prend de l'ampleur. Tu sais que ça ne rigole pas, gros gangsta comme un braqueur. Si, si, chacal, si, si, normal. Tu connais déjà les bails, tu sais comment le négro travaille. La crème du criminel, opérationnel, professionnel dans le game. Braqué comme un gueule, s'apprête à traumatiser les grandes gueules. Ça fait tellement longtemps que je suis dans le game que je peux pas le tous pas pour causer des dégâts. Si tout le monde connaît pas, c'est de voir gangsta. Si je tire dans le tas, tu m'apprends à le killa. Qui killa, killa, te laisse sa mère comme la tequila. T'es qui toi, oh frère, vas-y, réveille-toi. Je blesse, blesse, quand il faut. Laisse, laisse, t'as pas le niveau. Si personne ne bouge, personne sera blessé. Ce n'est pas la panique stressée. Non, tu ne peux pas tester. Tout le monde va y passer. Émigrer, tu peux laisser à tout près. Est-ce qu'attends, tu sais bien qu'on est toujours dans le sud. On fait des heures sud. Devant le sucre, envoie-nous la brigade de stup dans le sud. On te la met dans le cul. Des enflures qui t'entubent et on te glace les burnes comme sucre. T'écris comme dangereux. Réunis et bris dans le jeu. Normal, on fait parler les rages. Dans le sud. Équipé de la tête au pied, lyricalement, illégalement, ok. Vie ambigu, j'tise mes jambes qui tuent. Au micro, j'fais partie de ces gens qui tuent. Quand j'rappe, pistolet les tympans qui brûlent. Ton sang ne circule plus dans ta ventricule. Les fans pourraient pas me connaître sans imule. Dès la primaire, y'a des enfants qui fugent. La banlieue sud, la force est centrifuge. On est anti-but, on a des grands ifus. Tu veux que ma gueule dans ton écran se diffuse. Je te prends en levrette jusqu'à ce que t'aies la hanche qui s'use. Je vais te fourrer pendant plus de 30 minutes. Ma cam est si pure, c'est direct dans le sinus. Tu sais pas quel sentiment me stimule. C'est la haine et j'écris mes textes sans virgule. Nous on baisse pendant que tu te branles minus. Et on s'arrache en beauté avec des splendides russes. Dans le sud, on fait des heures sup. Devant le sucre, envoie-nous la brigade de stup dans le stup. Dans le sud, on te la met dans le cul. Des enflures qui t'entubent et on te glace les burnes comme sucre. Dans le sud, décrit comme dangereux. Réuni et pris dans le jeu. Normal, on fait parler les rages. Dans le sud, équipé de la tête au pied. Lyricalement, illégalement, ok. Faut que ta famille sache qu'on ratatine ça comme des kamikazes. C'est alchimie, ça, gakash, t'admis ça. Pas de jambon beurre, mais que des sandwichs à la rissa. Même les grands pompeurs et les fanatiques s'arment. Le Jacques d'Alchivas ou la Flo. Fils savour, ma dope sur le capot Furtago. Muchacho, c'est Evry et Grini. Loupe pas trop la situation est critique. C'est une vibes pour mes DJ, une vibes pour mes scalas. Pour ceux qui se disent, pour ceux qui sont encore là. On dit c'est où on dit qui. Une vibes pour mes scalas. Pour ceux qui se disent, mais pour ceux qui sont les guessas. Donc c'est quoi les G. J'ai mis grec Alcatel, ça. C'est trop gay ça. Faut que tu comprennes ça. On plaît ça. E, double S, O, double N, E. Est-ce que je m'en parlais pas les négros. Fuck les empieux. Dans le sud, on fait des heures sup. Devant le sucre, envoie-nous la brigade de stup dans le stup. Dans le sud, on te la met dans le cul. Des enflures qui t'entubent et on te glace les burnes comme sucre. Dans le sud, décrit comme dangereux. Réuni et pris dans le jeu. Normal, on fait parler les rages. Dans le sud, équipé de la tête au pied. Lyricalement, illégalement, ok. ALKPOTEMYWSA. La banlieue sud, bande de putains. Evry et Grigny, c'est comme ça qu'on fonctionne. Unité de feu, escadron, bande de putains. La crème du 9-1.